Parce que ce matin, on parle de la communauté. Le psaume 133. Parce que David dit, hein, David nous parle de la communauté. Puis nous, on va parler pendant les semaines qui viennent de la communauté. On a comme thème, si mon Église est une communauté, pourquoi je me sens isolé? Ou bien donc, on pourrait dire, si mon Église est une communauté, pourquoi je me sens seul? On va parler donc de l'Église, l'Église locale. Hein? On va s'entretenir pendant quelques semaines, parce qu'on a pensé, on a cru bon, le conseil, aussi bien que, hein, en faisant un petit sondage, on a cru bon de commencer cette nouvelle saison, hein, de l'année, l'automne. De la commencer en parlant de la communauté, l'importance de la communauté, et puis l'importance aussi de trouver notre place dans la communauté, l'importance de l'Église. Parfois, durant peut-être les deux dernières années, et peut-être encore dans les derniers mois, hein, Michel avait apporté aussi un partage sur l'Église, qu'est-ce que l'Église. Parfois, on peut remettre en question certaines choses, n'est-ce pas? Hein? On a remis en question. J'aimerais spécifier qu'est-ce qu'on peut remettre en question et qu'est-ce qu'on ne peut pas remettre en question. Hmm? Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. J'aurai ma communauté. Lorsque Jésus utilise le mot Église, Ecclésia, hein, qui était, vous le savez pour la plupart, l'origine grecque, hein, qui était une assemblée constitutive des citoyens d'une ville grecque, qui était appelée à venir ensemble, de se réunir et de prendre des décisions par rapport à la ville. Alors, au lieu d'avoir des échevins, hein, c'était tout le monde, tous les citoyens qui étaient convoqués à se réunir, puis à discuter des décisions à prendre par rapport au développement d'une ville typiquement grecque. Jésus dit, je bâtirai ma communauté de citoyens aussi. J'aurai mes citoyens. J'aurai ma communauté. En fait, l'Église comme communauté ne peut pas être mise en question. Qu'est-ce qu'on peut remettre en question? Parfois, c'est la forme que prend l'Église. Je donne un exemple. On va prendre le verbe s'asseoir. Le verbe s'asseoir est un verbe d'action, hein? Right? J'ai des prophéties ce matin, là, hein? Vous me corrigez si je fais erreur. Mais, s'asseoir est un verbe d'action. Maintenant, s'asseoir peut prendre plusieurs formes. Hmm? John, tu te proposais de t'asseoir par terre. Veux-tu venir le faire? J'ai donné une illustration à ce beau monde-là. Viens t'asseoir. Hein? Puis, alors, oui, vas-y. Alors, John est en train de s'asseoir. Hein? Il est assis. Il a mis en pratique le verbe s'asseoir. Tu t'es assis. C'est une façon de faire. Merci bien, John. Tu peux l'assister? Ah, c'est juste que Jacqueline va s'ennuyer. C'est une forme, hein, une forme. Une autre forme, c'est ce que vous faites maintenant, vous êtes assis sur une chaise. On pourrait s'asseoir dans un fauteuil, sur le banc. Hmm? Alors, s'asseoir est la fonction. Maintenant, cette fonction peut prendre plusieurs formes, différentes formes. Lorsque avec les jeunes à Rosemère, avec John, il y a Jonathan, Dominique, Il y en a eu d'autres après qui sont ajoutés. À un moment donné, ça a rendu une vingtaine dans ma salle à manger, là, c'était trop. Il y en avait sur des sofas, il y en avait, hein? Et puis, on essaie de mettre autant de monde possible autour de la table, mais hein, ça ne fitait plus. C'était une forme, parce que John, en ce moment-là, et aussi bien que d'autres, je pense à Dominique surtout, et John, qui ne trouvaient pas leur place dans l'Église comme on l'a fait ce matin. Okay? C'était comme, ils ne se retrouvaient pas dans cette forme d'Église. Le souper qu'on avait autour d'une table, où on discutait de la foi, hein? On suivait même un cours sur être disciple. Qu'est-ce que c'était que d'être un disciple? Et puis, fait qu'il y avait une discussion, on partageait, on priait aussi. Au début, on priait moins, parce que les jeunes étaient un petit peu réticents à prier. Hein? Ils étaient surtout intéressés à parler. Ça parlait beaucoup. Hein? Ça parlait beaucoup. Mais c'est une forme. C'est une forme. L'Église, pour eux, c'était l'Église. Et graduellement, ils ont trouvé que d'autres formes de l'Église, puis qu'ils pouvaient aussi s'y retrouver. Hein? Et John s'est retrouvé, Dominique s'est retrouvé, et maintenant il s'occupe de la jeunesse à Rosemère, à son tour. Et ce que nous avons fait avec lui, il le fait avec d'autres jeunes qui ne se retrouvent pas dans la forme, mais qui se retrouvent dans une autre forme. Comme on faisait. C'est toujours le verbe faire l'Église. Hein? Je bâtirai mon Église. L'Ecclésia. La fonction de des chrétiens qui se retrouvent ensemble ou de des chercheurs de Dieu qui se retrouvent ensemble. Mais la forme peut changer. Elle peut être différente. Dépendant des uns et des autres. Donc, lorsque on remet en question, et parfois il peut, comment je pourrais dire, il vous a peut-être paru, hein, il vous a peut-être paru, il vous a peut-être semblé que dans le discours de certains, ou dans mes propres discours, qu'on remettait en question la fonction. Et ce n'est pas la fonction qui est remise en question, c'est la forme. C'est-à-dire, il y a différentes formes. Je sais, avec Christine, par exemple, avec Christine, qui n'est pas là ce matin, mais si Christine était là, hein, elle approuverait ma déclaration en disant qu'elle aime bien aussi la forme liturgique de l'Église anglicane, que j'aime bien aussi. Okay? Parce que pendant mes vacances, je pensais être à l'église anglicane pendant les 3 dimanches. Parce que j'aime la liturgie, j'aime le chant grégorien, j'aime ça. Ah, pas tout le temps, pas tout le temps. Hein? Mais c'est une forme, et Christine aime cette forme-là. C'est une forme d'église. En fait, les formes peuvent changer. Donc, il faut simplement se rappeler que dans le discours qu'on tient, ou bien non, si on veut tenir ce discours, de s'assurer qu'on ne remet pas en question la fonction de des croyants, de des chrétiens qui se réunissent ensemble afin de. Puis là, on va le spécifier ça, hein, dans les semaines à venir. Afin de. Parce qu'il y a des choses qu'on fait. Il y a une raison d'être de la communauté chrétienne. Mais d'abord et avant tout, on parlait tantôt, et là, je ne suis pas en train de suivre mes notes. Okay? Ce qui veut dire, ça c'est très dangereux, parce que ça veut dire que ça va durer plus de semaines que prévu. Hein? Mais le programme, je vous donne le programme pour le mois d'octobre, et peut-être ça va déborder en novembre. Mais le problème, c'est qu'on va parler du thème de la communauté. Il n'y a pas seulement moi qui vais en parler, il y a Sandy aussi qui va apporter la parole le troisième dimanche leur tome, c'est samedi, ils vont parler de la communauté. Une des formes, elle va parler une des formes que la communauté peut prendre. C'est important. Ce matin, Daniel parlait de comment que ça va plutôt mal dans le monde. Hein? Et c'est vrai que même j'avais partagé avec Daniel cet été, et je pense que je l'avais partagé aussi avec vous, que j'avais lu un livre qui s'appelait déjà La haine de l'Occident. La haine de l'Occident, par Jean Zidler. Et ça m'avait déprimé pendant des semaines. Cet homme, j'étais là, puis... Hein, tant j'ai vu tous les malheurs, hein, parce que des fois, on entend parler des malheurs, okay, mais c'est par-ci, par-là, tu sais. On entend des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, ça va. Mais quand c'est tout contenu dans un seul livre, puis que tu lis ça pendant deux semaines, tu passes au travers du livre, puis on n'est pas sorti du bois. Hein? Et ça peut être déprimant. C'est vrai qu'il y a des choses qui vont très, très mal. C'est pourquoi la communauté. C'est pourquoi Jésus dit, je bâtirai mon Église. Il y a une alternative. Et l'Église devrait être celle qui montre au monde l'alternative. Il y a une alternative. C'est une des raisons pourquoi on a besoin d'être en Église. C'est une des raisons pourquoi j'ai besoin de la communauté. Parce que la communauté est appelée, je vais vous le dire tout de suite, une des raisons de la communauté, lorsque Jésus dit « je bâtirai mon Église », c'est que l'Église, à mon avis, hein, est l'incarnation de Dieu dans un quartier. Dans une ville. Dieu s'incarne au travers d'un groupe. Dieu s'incarne pas seulement au travers d'une personne. Ce n'est pas une personne qui peut faire la différence. On en fait une. Mais c'est lorsqu'on est en collectivité, réunis ensemble avec un projet. Pas un projet dans le sens d'un programme, qu'on a un programme, puis qu'on l'écrit, puis que. Hein? Bon, on peut l'écrire aussi. On peut mettre nos idées sur papier. Mais ce n'est pas un programme qu'on veut exécuter. C'est un projet. On parle d'un projet de vie. Hein, quel est ton projet de vie? Je pourrais demander à un jeune, quel est ton projet de vie? Il ne me dira pas, ben, je vais faire ci, ça, ça. Mais il pourrait dire, ben, écoute, voilà mon intention. J'ai envie de... Hein, il va brosser un tableau de où est-ce qu'il va aller dans la vie? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il y a un projet de vie. Le projet de vie de l'Église, si je lis bien mon Nouveau Testament, si je lis bien les Évangiles, surtout, c'est que par l'Église, Jésus s'incarne encore dans le monde. Jésus s'incarne au travers de la collectivité dans un quartier, dans une ville, pour utiliser les paroles de... Parce que je vais dire son nom. Pourtant, c'est mon autre, un de mes auteurs préférés. Jean Théluz va parler de l'Église, qui est présence au monde moderne. Par la communauté, par l'Église, sous quelque forme que ce soit. D'accord? On s'entend là-dessus? Sous quelque forme que ce soit, l'Église devient présence de Dieu au monde moderne, aux hommes de notre temps. Je pense à cette parole de David que j'ai inscrite, je l'ai à quelque part, même peut-être c'est inscrit au début de ma Bible. Je l'ai certainement souligné à quelque part. David va dire, laisse-moi pas mourir. Avant que j'ai raconté aux hommes de mon temps, tes merveilles. Aux hommes de mon temps. Je suis pas là pour rendre témoignage aux hommes et aux femmes d'un temps passé. fait, j'ai pas à j'ai pas à perpétuer une forme qui répondait aux besoins des hommes du 19e siècle. On s'entend? Parce qu'on n'est plus là. J'ai à rendre témoignage à ma génération. Et pour ma génération, on va s'adapter aux gens, aux hommes et aux femmes de notre temps. Afin d'être présence de Dieu au monde. Présence de Dieu. Comment est-ce que comme collectivité, on peut s'encourager à être présence de Dieu au monde de chez la Maisonneuve? À une plus grande échelle de Montréal, mais on commence par le quartier. Hein? On a assez. Il y a des gens qui sont 1000, 2000 qui ont de plus grandes visions, mais nous, on va rester au quartier, au chalet de Maisonneuve. Hein? C'est déjà pas mal. Comment être présent? On va lire le psaume 133, voyez-vous? Tu veux changer de diapo, s'il te plaît, Daniel? Psaume 133, pour ceux qui n'ont pas leur Bible avec eux. Puis, ensuite, je vais vous poser une question, même deux questions. On va le lire. C'est dans la version Sema. Est-ce qu'on pourrait le lire ensemble, à l'unisson? Oui. Vous voulez bien? Oui. OK. Oh, quel plaisir c'est pour des frères! Et quel bonheur que d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon, sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Fait que dans les semaines à venir, on va voir les quatre façons dont David définit la communauté spirituelle et les trois effets ou résultats d'apprendre à comment vivre ensemble la communauté. Je pose une première question. Maintenant, je vous demande de faire un effort de ne pas être cynique ni sarcastique. D'accord? Lorsque je suis né dans une famille chrétienne évangélique, okay, j'ai grandi dans une famille chrétienne évangélique. J'aime pas quand les gens parlent, ils vont dire par exemple que les chrétiens représentent moins 1% de la population québécoise. J'aime pas ça. Parce qu'on exclut plusieurs catholiques romains qui sont des chrétiens, aussi bien que les anglicans, l'Église unie, bien d'autres églises, tu comprends? Qui croient et qui pratiquent, et qui, ma question est la suivante, ma première question est la suivante. Là, je demande de ne pas être cynique. Parce que, comme je disais, moi, j'ai été élevé dans une famille chrétienne évangélique. Et j'ai entendu plusieurs partages sur le psaume 133. Okay? Même souvent, lorsque c'était le temps de la Sainte Cène, hein, le verset revenait, « Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Et moi, je disais, « Hein? Are you kidding me? Hein? Are you kidding me? Est-ce que tu es sérieux? » Parce que j'avais un problème à croire pour différentes raisons. Ah, qu'il est doux pour des frères. Comme quelqu'un disait, moi, j'ai pas de problème avec Dieu. J'ai des problèmes avec ses enfants, mais j'en suis un. J'en suis un. Je n'ai pas de problème avec Dieu, j'ai pas des problèmes avec ses enfants, mais je suis aussi un enfant de Dieu. Je réalise que si j'ai des problèmes avec certains frères à dire qu'il est doux, qu'il y a peut-être des frères qui pourraient dire la même chose par rapport à moi, qui diraient c'est pas facile de vivre avec Jean. OK. Mais ma question est la suivante. Deux questions. Puis après, je vais prendre vos réponses. Est-ce possible d'être un croyant en Dieu sans faire partie d'une église locale? Oui ou non? Hein? Est-ce possible d'être chrétien? J'ai dit croyant tantôt. Croyant, hein? J'ai dit croyant. Est-ce possible d'être chrétien sans faire partie d'une église locale? Être chrétien. Est-ce possible? Être chrétien sans faire partie d'une église. Non? OK. Pour toujours ou pour un temps? Bonne nuance que tu fais, Manon. Bonne nuance. Elle a dit pour toujours, ben non, pour un temps. C'est bien, c'est OK, c'est une bonne nuance. OK. Michel. Daniel. Dès que tu acceptes Jésus comme sauveur, tu es un chrétien. Vas-y, dans une église. OK. Donc, Daniel dit, dès que tu acceptes Jésus comme ton sauveur, tu es chrétien, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. OK. Maintenant, je vais poser une autre question. Je vais aller plus loin. Je vais rétrécir. Est-ce que Jésus nous appelle à être chrétien? Non. Qu'est-ce qu'il nous appelle? Avoir quoi? À être disciple. À être disciple. Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il me suive. Qu'est-ce qu'on a déjà dit qu'un disciple? Un disciple est quelqu'un qui apprend de Jésus. Alors, est-ce que je peux être disciple? Est-ce que je peux être quelqu'un qui est en train d'apprendre? Parce que c'est ça, véritablement, un chrétien. Maintenant, je peux être chrétien sans m'être engagé à être disciple. Hein? Je peux avoir fait ça, là. Normalement, je progresserais. Hein? J'irais plus loin. Mais Jésus nous appelle à aller à sa suite, à être disciple. Donc, en tant que disciple, je suis quelqu'un qui est en train d'apprendre de Jésus, comme on a déjà expliqué avec notre cher ami Jules, qui est un ébéniste. S'il enseigne à quelqu'un d'autre le métier d'ébénisterie, il a un disciple, il a un apprenti qui apprend de lui. Ben, si je suis en train d'apprendre de Jésus à être image de Dieu, je vais vouloir, en apprenant de lui, à faire partie de la communauté chrétienne. Vous me suivez? on va rester là, digérez-le. OK? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Hein? Mais c'est moi qui apporte la parole. Mais vous suivez la pensée que je suis en train d'apprendre de Jésus. Je suis un disciple de Jésus. Alors, j'ai besoin des autres. J'ai besoin de la communauté. Afin de devenir collectivement présence de Dieu au monde. Je passe à ma deuxième question, puis ensuite on va aller à la Sainte-Sainte. Okay? Ma deuxième question est la suivante. David dit, oh, quel plaisir que c'est pour des frères et quel bonheur d'être ensemble. Je vous ai déjà dit qu'étant jeune, j'étais plutôt cynique là-dessus. Hein? On repassera. Hein? Tu m'en diras tant. Quelles conditions pourrait-il changer de dame? OK, c'est bon. C'est une question, mais je la formule différemment. Okay? Et là, je vais demander à quelqu'un d'aller au tableau et d'énumérer les raisons que vous avez données. Okay? Les conditions. D'écrire. Tu peux, s'il te plaît? C'est au tableau. OK. Quelles conditions doivent être réunies pour qu'il soit doux et agréable pour vous de vous réunir avec la communauté chrétienne? Quelles conditions doivent être réunies pour que ce soit un plaisir, un bonheur de vous engager, vous commettre avec d'autres dans une communauté chrétienne? Quelles conditions doivent être réunies? Michel, tu avais la main levée? Non, mais c'est parce qu'on ne OK. Lui? Oups, on va le reculer un petit peu. Ouais. John. Comme un accord. L'unité. L'empathie. OK, empathie. Michael. OK, donc là, il y a deux conditions. Une, ne pas avoir. Mais par contre, c'était bien dit, Michael. Je trouvais que tu avais deux conditions, deux bonnes conditions. Une, ne pas être jugé, ne pas sentir le jugement des autres. OK? Puis, l'acceptation inconditionnelle. L'acceptation inconditionnelle. OK. Ouverture d'esprit envers les autres. C'est bon? John? Moi, quand j'ai dit déjà dans le commun accord pour l'esprit, et quand on fait la communauté, on est en communauté, on est tous ensemble, d'arriver avec Dieu, de pouvoir respecter Dieu, on est tous disciples de Dieu, de Dieu, on peut s'approcher de lui. Dans ça, quand on est avec lui, on reçoit son esprit. Si on veut s'afficher comme lui est, lui, il est l'amour. Donc, tout ça, ça devient comme global. Si on est amour, on essaie de faire quelque chose de Dieu. Ça devrait faire une belle image. OK. Merci, John. Quelqu'un d'autre, ça va la main levée. Moïse. Pour être accueillant. Accueillant. Quelqu'un d'autre, ça va la main, Michel? Pour aimer authentiquement. Aimer authentiquement. Daniel? Ha, ha, ha, ha! C'est bien ça, Daniel. Avoir le sens de l'humour. Yes! Avoir le sens de l'humour. On pourrait dire dans un autre, si je peux, est-ce que je peux rephraser? Peut-être, mais c'est très bien, là. Mais quand tu dis ça, là, ça me fait penser qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Hein? Il ne faut pas trop se prendre au sérieux, là, que tout ne commence pas et ne finit pas avec nous autres, là. All right? Hein, comme j'ai déjà illustré, là, que tout ne se joue pas sur un 30 sous. Tu t'envoies en l'air, puis, hein, tête ou bitch. OK? C'est pas tête ou bitch. C'est beaucoup plus, hein? Il y a une marge de manœuvre. D'autres? Ça n'a Martin? Aimer authentiquement, ça a rapport avec un désir d'intimité, ça serait pour ça avoir des relations fructueuses. OK, des relations fructueuses, des relations. Parce que c'est un peu ce que j'allais dire tantôt, quand on parlait des choses qui vont mal. Que une des choses qui peut nous sauver dans tout ça, c'est les relations qu'on a. Mm-hmm. Être en relation. La richesse des relations. Mm-hmm. Se connaître les uns des autres. Puis, avoir le désir d'être disciple, hein, d'apprendre, on pourrait dire apprendre. On est des apprentis. Être des apprentis de Jésus. Michel? Ne pas se sentir jugé, mais aussi ne pas juger. Ne pas sentir jugé, ni juger. Ou juger, voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous avez des conditions qui ne sont pas au tableau? Non, vous avez vos conditions. Moi, j'aurais des conditions. Est-ce qu'il y a d'autres conditions? Vous dites, ben moi, là, une autre condition pour que je me sente bien dans une communauté serait que telle et telle condition soit présente, Michel, puis ensuite Jules. Moi, j'en avais vu. Il y avait bien qui quand même dit le respect des uns des autres et aussi de l'humilité. L'humilité. Ouais. On peut-il ajouter à quelque part l'humilité? Ensuite, Jules. Libre. Se sentir libre. Martin. Juste un mot-là, Carrette. Leadership, un leadership 55, les gens qui sont en avant, ceux qui semblent être en situation de leadership, ça a l'air d'être bien. C'est très. C'est, quand j'arrive, maintenant, j'arriverai à une autre assemblée, une assemblée quelconque, si je sens ça, déjà, moi, ça m'aide à pouvoir m'impliquer ou intéresser. Maintenant, je suis un arrivant dans chaque maison neuve, savoir que je peux percevoir d'une façon subjective, même si c'est subjectif, que le leadership a l'air d'être bien, tout ça, mais ça m'aiderait à m'intégrer dans les communes. Ok, donc, les deux chips sains. Oui, c'est ça. Ça y est. En partie, c'est accueillant. Ok, ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une condition? Vous êtes là ce matin, vous êtes là. Moi, je suis sincère, là. Ce n'est pas juste un exercice au tableau pour passer le temps. Là. Mais moi, je suis sincère à savoir, telles conditions doivent être réunies pour que vous ayez du plaisir à faire partie de la communauté chrétienne. Lynn? Est-ce qu'on le retrouve à quel capant? L'humilité, ça fait. L'humilité. Redis-le encore. C'est d'accepter qu'on peut faire des erreurs. Accepter qu'on peut faire des erreurs. Accepter la marge d'erreur. Hein? Accepter qu'on a que tous ont une marge d'erreur. Hein? Incluant le leadership. Ben, pas sûr, moi. Hein? Pas sûr, Michel. Ben, pas tout le temps. Tu vois, Michel, pour ceux qui vont écouter le MP3, là, c'est que Michel dit qu'accepter qu'on ne pourra pas mettre toute cette liste-là en application tout le temps. Pas tout le temps. C'est pour ça qu'on a dit d'accepter la marge d'erreur. Mais par contre, on doit viser à ce que cette liste-là d'attente de conditions, on doit viser ce que on puisse là, on puisse vivre ça. Combien sont d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec la liste ici, là? Levez la main si vous êtes d'accord avec la liste. Vous dites, oui, moi je suis. Hein? J'ai été absent 3 dimanches et vous m'avez manqué. Parce que, pour le temps présent, vous êtes ma communauté.